haine que l'on gêne, que tous ces jeunes sont sans gêne, que la fumée de ce joint a pris dessus sur l'oxygène. La générosité de l'homme est remplacée par la haine. Le taf aujourd'hui est de bosser à la chaîne. Les jeunes deviennent des hommes, les meufs deviennent des chiennes. Une mesure riche t'assomme, mais pas à lacrymogène. T'enchaînes et déchire les chaînes qui me gênent. Je suis ce jeune qui s'en sort malgré la qualité d'hygiène. Vas-y, je perturbe les petites amelles à teinture. Sur ta tête, rassure sur la trottinure. Anti-cure, une lutte, pape, ça c'est du pur. C'est un rabarbu. Baroudeur dans la rue, mystère de PQ. Capteur aux intrus, manipulateur de diffus. Chargeur, rempli de balles à SU. Père, heure de mort prévu. Vadeur à l'heure inconnue. Perforateur d'instru. Texter, touchant le calu. Sauteur sur la première convenue. Pas peur de bite à cornu. Mon secteur évolue. Le plus mélange plus d'engrage. Je suis déçu, bel extinct. Squatter, fais pas d'abus. Ou les scooters avec moteur pour te rouler dessus. Visière de ziffu, dessiné à ton cul. Au bout, tireur à lunettes. Nénette l'heure, la balle est partie dans ta tête. T'as vu vite la bête, mais j't'avais bien du bellec. Mais t'as préféré faire Kerpette, Blurk 8-9 danger, ok. KB, Rifa, FKC. Et mec, ma technique, le rap à sa renaissance. KBEY, à tête, il faut que même les refrais dansent. Renaissance, le son du 8-900, c'est l'effervescence, mes vers t'offensent. Tu sais, c'est possible, mec, que tu perds tes sens, viens faire l'essentiel. Rapper pour les miens, c'est démentiel, j'entre en scène. Mais n'aie pas peur si mon faute t'en sort, celle, je m'en sors seul. Non, je ne suis rien sans l'autre partie du crew. Des clics en plein essor, à nous trois, on a chopé le virus du crew. Bouge, vas-y, bouge, ta tête sur le son de ma voix. Remix, tu vas rire, bref, le rap restera ma voix. Bois, si tu veux, je sais que tu kiffes mes phases et mon phrase et mon blast. C'est KB. Tous ces nas d'euro pas ma foi. Préviens les puristes avant le deuxième opus, la joue soliste. Tu veux du lourd, hein, profite un peu, me vois la grossiste. Un gros disque que je viens de servir dans l'ensemble, tu vas kiffer. Et je veux vous entendre tous dire, putain moi je kiffe ce kiffé. 6-6, 89 sans frère, sup de sens, Amsterdam, Kous, dédicace, Merteuil, Mohamed, Betzouille, Gringo, Najim, Soso, Bleda, Rabza, Hej, Mehdi, Greg, SISMA, Tonton JM, FKC, Delka, KB, Yanis, Doumich, Zouli, Timothée, Max, Napalm, Chepier, Inas, Mini, Chris, Penseur, Philippe, Fino, Sissi, toute la bande à KB, ouais, Amsterdam, frère, écoute, Flair, dédicace, arrête pas, 2MA, LKO, Dimitri, Leslie, Paypalmi, Riva, KB, Miley, Chidma, et toute la MIFA, Flair, Flair.